Pas de surprise, les Alouettes de Montréal ont congédié Kerry Jones. Et on en parle avec notre ami Fred Degg de la presse canadienne. Salut Fred. Salut Danny. Fred, je suis pas surpris là. Écoute, ben, quoi que les Alouettes, avec un peu de chance, pourraient être 3-1 au lieu d'un 3. Mais beaucoup de choses se sont passées depuis le début de l'année. Puis rappelle-toi de cette conférence de presse l'année passée, je reviens toujours à ça. Quand Kerry Jones, quand Danny Machocha avait dit publiquement que Kerry Jones devrait améliorer des affaires, dire ça en privé, en public, ça m'avait comme surpris un peu. Puis là, le début de saison, on savait que Kerry Jones marchait sur des œufs. Puis la semaine passée, encore une fois, dans le match, là, c'était beaucoup de pénalités. Donc ça, c'est souvent le coach qui est en raison du coach. Toi, t'as-tu été surpris? Moi, j'ai pas tombé en bas de ma chaise. Hein? Non, j'ai pas été surpris. Puis même au moment de la conférence de presse, au bilan de la dernière campagne, les journalistes sur place, après les propos de Danny Machocha au sujet de Kerry Jones, on s'était tous regardés en sourcillant un peu, en voulant dire, c'est pas un gros appui là pour ton entraîneur-chef. On sentait que disons que sa marge de manœuvre était très réduite. Et puis ces joueurs l'ont pas aidé, mais à un moment donné, tu dois avoir des résultats. Puis Kerry Jones, si tu regardes les 9 derniers matchs de l'équipe, mais si on compte le match éliminatoire à Hamilton, il y a 2 victoires en 9 matchs à ces 9 dernières sorties. Et surtout, c'est que l'équipe joue de façon très indisciplinée. Là, il y a eu 2 expulsions dans les 3 derniers matchs. C'est pas des pénalités pour avoir retenu, pour empêcher un joueur de ligne d'aller aplatir ton corps arrière. Là, c'est des pénalités qui surviennent après le sifflet, qui donnent des 10, des 15 verges à l'adversaire pour indiscipline. À un moment donné, il fallait que ça arrête. Et Jones avait promis lors du bilan que ça arrêterait ce genre de pénalités qui ont coulé les Alouettes tout l'an passé, puis ça s'est pas passé. C'est souvent la préparation, hein, qui fait ça, hein. La préparation. Tu sais, Kerry Jones, dans la vie, c'est un gars sympathique. Je sais pas si c'est un gars qui est capable de serrer la vis peut-être suffisamment, en tout cas de la façon que ce groupe-là en avait besoin. De toute évidence, c'est le constat qu'on a fait à la haute direction des Alouettes également. Alors, j'ai hâte de voir cette semaine. Je pense qu'on va déjà voir beaucoup de changements à l'entraînement et au match là, que les Alouettes vont disputer au Elks jeudi. Ça veut-tu dire que Trevor Harris va revenir? On peut passer encore au retour de Vernon Adams? Écoute, Machocha n'a pas été très clair là-dessus. Pour te dire qu'on saurait dès dimanche qui allait être le partant. Alors, je pense que son idée est presque faite. J'imagine qu'il veut peut-être parler aux deux hommes une dernière fois avant de prendre sa décision. Mais, écoute, c'est tellement difficile. Tu sais, Harris a connu un très mauvais match, moi, je trouve, en Saskatchewan. Par contre, il avait été bon en remplacement de Harris, pas de Harris, mais de Adams à Toronto, puis dans le premier match contre les Rough Riders. Sauf qu'encore une fois, on pensait avoir réglé ce problème de constance-là au poste de corps chez les Alouettes. On dirait que c'est pas réglé encore. Dans la zone payante, le ballon n'avance pas. Hein? Mais non, les Alouettes ne marquent pas. On se rend à la ligne de 20 et on est obligé de se contenter de placement. Puis même ça, cette année, on en a raté un important à Toronto. Puis il y en a eu un bloqué à Calgary qui, d'après moi, a contribué à faire tourner le vent dans ce match-là. Oui, c'est ça. Donc, écoute, Noel Thorpe a également été promu. Ça veut dire que Barron Miles a été libéré aussi. Donc, Noel Thorpe... Oui, en fait, on est allé réembaucher le Noel Thorpe qui avait été entraîneur chez les Alouettes pendant 7 ans. Il faisait une bonne job comme entraîneur de la défense aussi. Oui, c'est un gars qui faisait pas nécessairement l'unanimité auprès des joueurs. Par contre, j'ai hâte de voir comment ce groupe-là va réagir à son arrivée. C'est un gars qui est très strict, parfois des façons de donner ses directives ou peut-être de passer ses commentaires qui passent moins bien. Mais en tout cas, je sais que c'est un gars qui est très près de Danny Machocha. Là, c'est deux grands amis, c'est deux hommes qui se respectent beaucoup. Alors, ça faisait un peu du sens. Et Machocha avait pas tort dans son évaluation du travail de l'unité défensive des Alouettes. Là, on avait connu une très mauvaise première moitié de saison l'an dernier. on s'était replacé, puis dans les quatre derniers matchs, on avait recommencé à jouer mollement, puis à mettre moins de pression, comme on l'avait fait au début de saison 2021. Puis cette année, c'est encore ça un peu, à part le premier match contre les Rough Riders, où on a eu 8 sacs du quart. On peut pas dire que l'unité défensive des Alouettes est celle qui met le plus de pression, alors qu'elle a terminé première l'an dernier, en ne jouant qu'une bonne moitié de saison dans les faits. Alors, on n'était pas satisfait de ce côté-là, alors c'était l'occasion rêvée. Puis Baron Miles, c'était l'homme de Carey Jones, puis dans les deux cas, ce n'était pas les hommes de Machocha, alors c'est pas surprenant que Miles passe dans le tordeur. Penses-tu que Machocha est là pour longtemps? Comme non, j'ai posé la question hier, puis parce que c'est un peu... pas ce qu'on craignait, là, chez quelques médias montréalais là, qui couvront l'équipe, là. Tu sais, un peu qui s'incruste à la Jim Pop, là. Ouais. Mais non, c'est absolument pas son désir. Il va finir l'année, puis il prend l'équipe, dans le fond, parce que je pense que les candidats qu'il souhaite interviewer pour le poste sont sous contrat présentement, encore pour jusqu'à la fin de la saison. Puis évidemment, on veut pas être accusé de maraudage chez les Alouettes. Alors, on va laisser écouler la saison. Machocha va tenter de redresser le navire, puis on va interviewer les candidats intéressants en fin de saison. Il faut pas oublier une autre chose aussi, hein? Les Alouettes sont une équipe qui roule pas sur l'or, puis il faut qu'ils continuent de payer Carey Jones jusqu'à la fin de la saison. Puis là, Baron Miles, là on embarque Noel Thorpe sur la masse salariale, et je pense qu'on voulait pas en ajouter. Et puis il faut pas oublier aussi, hein, il y a un plafond salarial pour le personnel d'entraîneur depuis quelques saisons dans la LCF. Ouais. Je pense qu'ils sont limités à, je veux pas dire de niaiserie, mais je pense que c'est 500 000 $ pour tout le coaching staff. C'est pas beaucoup, là. Ouais. En tout cas, je suis pas certain du montant, mais je sais que le montant est très peu élevé pour le nombre d'entraîneurs que tu as besoin au football. Alors ça aussi, c'est une donnée qui fait que Machocha en remplacement de Jones faisait plus de sens pour l'organisation. Dis-moi, André Bolduc, c'est quoi les plans? Parce que moi, je pense qu'André, écoute, c'est quand même un gars qui a roulé sa bosse, qui fait longtemps qu'il est là, qui a été muté, qui a une expérience de coaching. Je sais pas, il me semble que ce serait le temps pour les Alouettes de le préparer à acquérir sa chance, de passer à une autre étape. Ben, je pense que oui. Je pense que ça va être un des candidats qui va être considéré. Cela dit, Machocha a dit qu'il n'était pas rendu à l'étape de penser à des noms pour remplacer Jones présentement, mais il faut qu'il soit considéré. On a posé la question à savoir si Noel Thorpe devenait un candidat aussi. C'est sûr, puis Machocha a dit qu'il n'était pas rendu là. Il a répété qu'il n'était pas rendu là. Alors, écoute, il était l'adjoint à l'entraîneur-chef. Il est toujours responsable des demi. Je ne sais pas s'il a gardé son titre d'adjoint à l'entraîneur-chef. Je n'ai pas vérifié dans l'organigramme de l'équipe. Mais en tout cas, c'est un gars qui a gagné ses galons. Ben ouais. Il mériterait sa chance, hein? Je sais pas, là. C'est certain qu'il mériterait sa chance. Là, reste à voir si Machocha pense qu'il est prêt à prendre l'équipe l'an prochain. Écoute, Il reste 14 matchs à cette saison-là pour faire tourner le vent, parce que moi, je pense que n'importe quoi, sauf une participation à la finale cette année, va être une déception chez les Alouettes. On a besoin de faire un bon bout en série. Idéalement, jouer un match éliminatoire à Montréal. Ouais. Alors, disons que c'est pas le début de saison escompté, c'est surtout pas la saison qu'on espérait, le début de saison qu'on espérait, là, on peut encore... La beauté, c'est que dans l'Ouest, dans l'Est, c'est pas fort. C'est ça, la beauté. Non, je sais, mais à un moment donné, justement, là, dans l'Est, c'est pas fort. C'était le temps pour les Alouettes de montrer qu'ils étaient au-dessus du lot, puis ils ont pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. OK. Fred, je veux pas te mettre dans la broche, tu en parlant encore des ondes. As-tu vu les corps canadiens cette année? Les Lions en ont tout un. C'est le fun de voir qu'Edmonton a parti avec un corps arrière également. C'est le fun de voir qu'enfin, on a pris un step important là, sur les corps arrière canadiens. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas arrivé. C'est tout un début de saison qu'il connaît. Reste à voir si ça va se transposer sur toute la saison. mais on ne peut pas nier que jusqu'à maintenant, c'est une très agréable surprise. J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre dans le temps. Moi, je connais pas assez le football universitaire pour juger si on devrait laisser plus de chances ou moins de chances au corps canadien. Ce qu'on voit souvent, malheureusement, c'est quand ils sont pêchés par des équipes canadiennes puis qu'ils arrivent au camp d'entraînement, ils sont transformés en centre arrière ou ailier rapproché ou ce genre de truc. Alors, faudra voir si la tendance est renversée grâce à Nathan Rourke, mais une chose est sûre, lui connaît tout un début de saison, puis j'ai hâte de voir si ça va se transposer dans le temps. Oui, effectivement. Fred, on s'en parle bientôt. Absolument, merci. Frédéric Degg de la presse canadienne.